Au cœur d'une grande forêt, caché parmi de vieux chênes centenaires, il y a un arbre un peu étrange, avec de gros lampions accrochés à chacune de ses branches. L'ennui, c'est que jamais ces lampions ne s'allument, sans qu'on sache vraiment pourquoi. À chaque étage de l'arbre vivent de bien curieux habitants, chacun chez eux, chacun le nez dans ses petites affaires et personne pour parler à personne. Comme tous les matins, une ribambelle de réveils, d'horloges, de cuicuis et de coucous s'apprête à résonner dans les oreilles du lapin ressort qui habite au rez-de-chaussée. C'est lui qu'on entend ronfler.